Chapitre 5e, l'auberge de la vieille fontaine. Micheline Servier, elle aussi, le trouva très bien, sans son costume. En fait, elle était assez sensible au charme masculin, et la distinction de Dutilleul lui plut immédiatement. Ah, s'il avait eu quelques années de moins. Elle l'aima encore plus quand il réserva la suite et ne réclama même pas de fiche. La saison étant terminée, c'était presque inespéré. Sans même la recommandation de Morand, elle l'aurait soigné, le client. Heureusement pour elle, cette année se terminait bien. Son chiffre serait bon. Elle avait constitué un fonds de clientèle fidèle qui appréciait la maison. C'était presque devenu des amis. Certains avaient même une chambre attitrée. Quant à son visiteur, la seule chose qui l'avait un peu choqué, c'est qu'il était seul. Pourtant, Morand l'avait assuré qu'il était bien en main. Même s'il n'était pas curieuse de nature, elle aurait bien aimé connaître la dame. Elle commença donc par lui porter un encas dans l'un des salons de l'auberge. L'auberge de la vieille fontaine plut immédiatement à Dutilleul. Ici, la décoration n'était ni froide ni tape à l'œil. Elle avait un aspect doucement vénérable, mais était très propre. Grâce sans doute à la recommandation de Morand, il reçut un accueil chaleureux. La suite, d'un luxe sans ostentation, lui convint parfaitement. Après tout, n'était-il pas plus qu'à l'aise, comme le petit con le lui avait rappelé? Eh bien, pour une fois, il allait en profiter. Il pourrait ensuite interroger discrètement Madame Servier. L'occasion se présenta quand elle lui porta un encas plus que confortable, guère en rapport avec son appétit de moineau, comme Mado avait coutume de lui dire. Le thé était excellent. Il vient de Honfleur. Il y a une très jolie boutique. Dutilleul décida d'aller y faire un tour un peu plus tard, mais pour l'heure, il voulait interroger Micheline Servier. Comme il n'y avait aucun client présent, Dutilleul profita de l'occasion. « Madame Servier, je pense que M. Morand vous a dit pourquoi je suis ici. »« Naturellement. Mais je ne peux hélas que vous répéter ce que je lui ai dit à l'époque. J'aimerais tant faire plus, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Je ne peux pas inventer. »« Vous connaissez donc Mathilde Pradier ?»« Pour cela, oui. Elle venait quelquefois m'aider en saison. C'était vraiment une fille très bien, toujours très gentille avec tout le monde. On pouvait tout lui confier. » C'était une fille qui avait la tête sur les épaules, à qui on pouvait faire confiance. Pas du tout comme ces têtes folles d'aujourd'hui. Avec elle, il était inutile de vérifier son travail. Quand elle avait dit qu'elle avait fait quelque chose, c'est que c'était fait. Il n'y avait jamais à revenir dessus. Elle était si appréciée. Aussi bien du personnel que des clients. J'étais dévasté quand j'ai appris sa mort. A-t-elle beaucoup travaillé pour vous? À de nombreuses reprises. Quand quelqu'un est sérieux, on n'hésite pas à le reprendre. Savez-vous pourquoi elle travaillait pour ce couple? Les plantiers, bien sûr. Nous en avions parlé ensemble. Son rêve était de devenir puéricultrice. Puis elle tenait absolument à subvenir à ses propres besoins, malgré son jeune âge. Vous comprenez, elle n'aimait pas demander à ses parents. Eux pourtant ne demandaient au fond que cela. Mais elle y mettait un point d'honneur. Pourquoi était-elle si déterminée? Eh bien, je crois que c'était à cause de ses frères. Je ne vois pas trop le rapport. En effet, aussi vais-je vous l'expliquer, ils étaient très sportifs et elle ne voulait pas risquer de les priver de quoi que ce soit du fait de ses propres dépenses. J'étais bien placé pour savoir qu'elle n'avait pas tort. Les Pradier avaient vraiment de tout petits moyens. Malgré la gestion rigoureuse de Jocelyne, les fins de mois étaient loin d'être évidentes. C'est la raison pour laquelle Mathilde voulait tant travailler. Comment les parents pouvaient-ils se satisfaire d'une telle situation? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que Jocelyne était très fière d'elle et qu'elle ne tarissait jamais d'éloges à son propos. Pensez, Mathilde réussissait dans tous les domaines. Les plantiers, vous les connaissiez? Dire que je les connaissais est un bien grand mot, mais ils ont dîné ici à au moins deux reprises. La deuxième fois même, c'est Mathilde qui a tenu à les servir. Elle s'en est très bien tirée. Quelle impression aviez-vous d'eux? Un très gentil petit couple, très amoureux. Pas beau, mais beaucoup de charme. Très poli et très simple. Naturellement, je n'avais jamais vu les enfants, mais Mathilde disait qu'ils étaient magnifiques. Vous savez qui pourrait encore évoquer l'affaire dans le pays? Vous pourriez commencer par le directeur de l'école où les enfants étaient scolarisés, M. Lelièvre. Vous avez dit « étaient ». Ils ont quitté la région? Oh oui, très vite en fait, après les faits. C'était presque obligé. Madame Plantier ne supportait plus la maison, ça peut se comprendre. On m'a dit qu'elle se sentait vraiment coupable d'être sortie ce jour-là. Autre chose, savez-vous si Mathilde Pradi avait des amis? Non. Pour cela, il faudrait voir sa mère. Le père est mort il y a quelques années, mais elle est toujours là. Les fils ne doivent pas vivre très loin non plus, car il m'arrive de les croiser à l'occasion. Naturellement, je les connais beaucoup moins bien. Je vous remercie, Madame Servier. Il n'y a pas de quoi, même si je ne comprends pas bien pourquoi vous exhumez cette affaire après toutes ces années. Morand me l'a demandé. J'ai toujours su que je pouvais compter sur lui. Auriez-vous un annuaire et un téléphone? Prenez celui du bureau. Je ne vous le chargerai pas sur votre note. Oh, vous pouvez. Non, pas si c'est pour Mathilde. J'en fais une question d'honneur. Vous êtes une très brave femme, Madame Servier. Dites, vous me le direz si vous trouvez quelque chose. Si je le peux, oui. Merci. Venez, je vais vous montrer le bureau. Vous n'avez plus faim? Vous avez à peine picoré? Désolé, j'ai un petit appétit. Montez cela dans ma chambre. Je remangerai un peu plus tard. Non, non, répondit Micheline Servier, un peu dépité. Je vous ferai quelque chose de frais quand vous rentrerez.